c'est le t'as connu l'accent. Arrivé très fier comme un cheval puissant. Avec tous mes proches, je crois que ça va flamber. Si ça part en coup, t'inquiète, on va sous flamber. Ben Appel représente tous les ghettos. Le repas, car l'avenir appartient à ceux qui s'aiment tôt. Rien au même taille, son on s'installe. Tous sont à fond dans son mental. Vous êtes de quoi, on s'en accomplit, ouais. Vas-y, tape Ben Appel pour les gays.